Chapitre 14. En quelques instants, le gros homme eut terminé sa fouille. Tandis qu'il opérait, Ikoteruka, machinalement, l'avait observé. C'était un individu d'une cinquantaine d'années, presque chauve. Sa face ronde était entièrement rasée. Son nez était rouge comme une tomate, signe évident qu'il ne devait pas détester les liqueurs fortes. L'inconnu était habillé à la chinoise, d'une paire de larges pantalons de soie noire et d'un veston de toile à boutons d'argent. Une casquette de drap gris le coiffait. « Tu n'avais pas emporté grand-chose, mon garçon » dit-il en dialecte cantonais. « Mais peu importe. Maintenant, tu vas m'expliquer ce que tu faisais à bord, et qui tu es et qui te paye. Tu m'as bien l'air d'être maquillé. On va te laver la figure. Chinois ? Japonais ? On verra ça. À présent, je ne te dirai qu'un mot. On va t'interroger. Tu répondras, et sans mentir. Sinon, ce sera la mort, lente. Numéro 1, un supplice qui durera 3 mois. Compris ? Tu as 1 heure pour réfléchir. Je te laisse. » Et le gros homme siffla. 2 matelots chinois parurent et s'accroupirent sur les nattes de chaque côté du prisonnier. Le gros homme, après un dernier regard à Ikoteruka, remonta sur le pont. Presque aussitôt, le grand détective entendit des grincements, des piétinements. Il sentit que la jonque se balançait. Il entendit le cliquetis du treuil de l'ancre. Il comprit. Le yue appareillait. Quelques instants plus tard, Ikoteruka, en entendant le clapotis de l'eau contre la carène, comprit que le petit navire avait quitté le quai et voguait vers le large. Peu après, il perçut le ronflement d'un moteur. Le yue était en marche. Le gros homme reparut. « Tu as réfléchi ? » demanda-t-il en se penchant sur le prisonnier. « Je l'espère. » Et se tournant vers un des matelots chinois, il lui ordonna de prendre Ikoteruka sur son dos. L'homme obéit, et derrière le gros homme pénétra dans la cabine voisine. C'était une vaste pièce carrée, aux cloisons tendues de soie jaune, la couleur impériale en Chine. Des peaux de tigre et de panthère étaient étendues sur le plancher. Au fond de la cabine, entre les 2 sabords fermés, une statue de Bouddha, en laque rouge, était posée sur un socle d'ébène. Des lanternes de soie violette l'éclairaient faiblement. Ikoteruka remarqua que l'idole était ornée d'un collier formé de petits scorpions pétrifiés. De l'autre côté de la cabine, face au Bouddha, un petit homme, de race asiatique, était accroupi sur les fourrures. Une robe de soie jaune, brodée de scorpions verts, l'enveloppait. Son visage était dissimulé par un voile vert parsemé de paillettes d'or qui scintillaient. Ses mains maigres et fines jouaient négligemment avec un chapelet fait de petits scorpions d'or ciselés. Ikoteruka fut déposé au pied du mystérieux personnage qui le considéra longuement. Au même instant, un 3e individu pénétra dans la cabine. C'était un véritable géant. Nu jusqu'à la ceinture, il portait, comme unique vêtement, un pantalon de toile bleue qui s'arrêtait un peu au-dessus de ses chevilles. De race mandchoue, il avait une face camuse, aplatie. Ses petits yeux bridés, son nez écrasé, sa mâchoire énorme, lui donnaient une apparence de force et de férocité incroyable. Il tenait à la main une cuvette de bois remplie d'eau dans laquelle trempait une éponge. Sans mot dire, il s'agenouilla auprès d'Ikoteruka et, à l'aide de son éponge, lui frotta vigoureusement le visage. L'eau devenait contenir un acide, car le prisonnier sentit aussitôt une brûlure ardente lui mordre la peau. Il ferma les yeux, mais ne poussa pas une plainte. « C'est un Japonais !» fit presque aussitôt le gros homme de race européenne qui avait présidé à l'opération. « Un maudit Jap, je vais l'interroger. Tu entends, fils de chien, réponds, et respectueusement si tu tiens encore à ta sale carcasse. »